Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau mag sur Radioactive. Aujourd'hui, on vous emmène à Azé-sur-Cher, dans un lieu devenu incontournable du paysage culturel local depuis maintenant 18 ans, la Touline. Et vous en entendez régulièrement parler sur Radioactive dans l'agenda des sorties et théâtrales, etc., animé par Catherine le vendredi soir, rediffusé le samedi matin, rappelons-le, afin de vous donner tous les bons plans de sortie-spectacle, c'est donc l'émission à écouter. La Touline, c'est une salle troglodyte, petite par la taille, mais grande par la qualité et la richesse de sa programmation. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'être accueillis sur place, à Azé-sur-Cher, par Richard Violente, propriétaire et programmateur de La Touline. Bonjour Richard. Bonjour tout le monde. Alors comme on l'a dit, Richard, La Touline a maintenant 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est né ce lieu et quelle était votre ambition de départ il y a 18 ans? Alors l'ambition, il n'y en avait pas. Si, l'ambition c'était de faire au moins 8 spectacles dans l'année, parce qu'on ne voulait pas en faire plus que ça, non. 8 spectacles, c'était bien. Et on a commencé avec 25 spectacles, voilà. Donc, on n'a pas fait exprès, ça s'est fait comme ça. Alors, comment ça s'est créé? Ça s'est créé grâce à l'Europe, bizarrement. L'Europe débloquait à cette époque-là, il y a 18 ans, des fonds pour restaurer les troglodytes en Touraine, qui s'effondraient. La Touraine, qui était patrimoine mondial de l'UNESCO, donc l'Europe a débloqué des fonds via les conseils départementaux. Le conseil départemental a donc ouvert un concours à cette époque, il y a 18 ans, et ce sont nos enfants qui nous ont fait découvrir le truc et qui nous ont dit « si vous voulez faire aménager un troglo en faisant de l'activité culturelle, c'est le moment, voilà ce qui se passe ». Donc on a appris ça comme ça. On ne voulait pas a priori monter une salle de spectacle comme elle est aujourd'hui, on voulait faire quelque chose plutôt entre copains. Et on voulait faire des petits trucs entre nous, voilà. Et ça, entre copains, les copains qui ont commencé à participer, ils étaient tout de suite 50. Et donc, on a dit, mais il faut faire quelque chose. On a l'envie, on a les sous et on a le temps, on va le faire. Parce qu'on était pas loin de la retraite. Et ça a commencé comme ça. On a eu les sous du conseil départemental, enfin de l'Europe. On a un projet qui a été accepté parce que c'était le seul projet d'une salle de spectacle. Les autres projets qui étaient présentés, c'était plutôt des chambres d'hôtes ou des vignerons qui voulaient installer. Donc là, salle de spectacle, voilà, le conseil départemental a dit oui. Et c'est parti comme ça. Et alors pourquoi La Touline, le nom? Alors La Touline, en fait, à l'origine, c'était la pomme de Touline. Une pomme de Touline, c'est, on voit ça souvent en porte-clés, là, une espèce de boule en corde, avec, ça fait un porte-clés, quoi. La pomme de Touline, c'est un nœud marin. On trouve beaucoup de pommes de Touline, notamment en Bretagne, et des bistrots qui s'appellent la pomme de Touline ou la Touline. En Bretagne, on en trouve. Mais on n'est pas breton du tout. Hein. Moi, je viens de Casablanca, Maroc, ce n'est pas tout à fait la Bretagne. Mais c'est un copain, le président actuel de la Touline, qui est travaillé en Bretagne. Et on lui avait dit, tu ne pourrais pas nous trouver un truc qui symboliserait l'arrêt des bateaux devant notre maison, puisque le Cher passe juste devant, et que le Cher était navigable il y a quelque temps. Donc les bateaux pourraient s'arrêter, parce que là, il y a un intérêt, la Touline, avec ses spectacles et tout. Et il nous a dit la pomme de Touline, parce que la pomme de Touline sert toujours d'ailleurs, à amarrer le bateau au quai. C'est-à-dire, quand on est sur le bateau, on lance vers le quai une pomme à laquelle est accrochée une corde, un bout, comme on dit en navigation. Donc le marin qui est sur le quai récupère la boule avec la corde et hop, il amarre le bateau comme ça. Donc c'est un symbole pour dire je m'arrête, je m'ancre ici et je vais voir ce qui se passe dans le village. Et donc on a commencé par s'appeler la pomme de Touline, mais après on disait la Touline parce que c'était bien plus rapide, plus joli, plus... voilà. Très bien, on est ravis de connaître cette histoire, quoi. En tous les cas, moi j'ignorais, Catherine, je pensais également. Quand on parle de la Touline, on pense tout de suite à ce côté intimiste qui fait évidemment partie de son identité. Qu'est-ce qui fait sa singularité à cette salle? Ah ben, l'intimité, ça c'est sûr. Alors, le fait que ce soit dans un troglo, c'est quand même important. L'acoustique est parfaite. Moi, j'avais peur de ça au début, quand on a commencé les travaux. Je m'étais dit, est-ce que l'acoustique, ça va aller, quoi? Est-ce que ça va pas trop résonner? Enfin, eh bien non, l'acoustique est Parfait, on a toujours eu beaucoup de chance d'ailleurs. On n'avait pas d'ailleurs réalisé qu'avoir un parking public juste en face de la Touline, c'était un atout. Vous n'avez pas du tout pensé à ça, mais c'est un atout. Alors la singularité, c'est ça, c'est que la salle, techniquement, elle n'est pas humide, l'acoustique est bonne, enfin tout va bien. Mais sa vraie singularité, c'est l'humanité qui se dégage de la salle. Donc en fait, la proximité, c'est sûr, beaucoup d'artistes aime revenir aux sources un peu, notamment Yves Jamais, qui fait des grandes salles, et qui est venu ici, et qui a trouvé que c'était super de s'installer. Ou comme HK, qui va venir bientôt, et qui est déjà venu. Venir ici, pour lui, c'est, on vient en vacances, on est en famille, on est reçu en famille. Alors, c'est cette notion de famille qui est importante aussi. On fait partie maintenant de cette grande famille du théâtre et de la chanson française. Beaucoup nous connaissent maintenant, pas que à Tours et la région. Et que donc, cette notion famille, cette notion d'appartenir à une espèce de famille qui a des valeurs identiques, des valeurs humanistes et républicaines, ça nous relie. Et ça relie aussi les spectateurs entre eux. Ce qui veut dire que les débats qu'on peut avoir, les rencontres qu'on peut avoir avec les artistes, eh ben, on est dans cette famille de valeurs à peu près, pas identiques, mais pas loin, pas éloignées les unes des autres. Donc, l'humanité qui s'en dégage, la proximité et l'humanité, je crois que c'est les deux termes qui vont bien à la Touline. Je voulais vous demander justement comment vous choisissez les artistes qui viennent se produire, mais je crois que ça répond à la question finalement, et c'est ce côté coup de cœur, ce côté famille. Oui, exactement. Alors voilà, maintenant on commence à bourlinguer, on a pas mal bourlingué, que ce soit à Avignon ou que ce soit dans les autres festivals. Donc on les connaît maintenant, les artistes. On sait ceux qui sont venus, évidemment. Mais alors, une anecdote, on a reçu un coup de fil il n'y a pas très longtemps d'un artiste qui nous dit « Mais je comprends pas, c'est Jérémy Bosson. Je comprends pas, tous mes copains sont passés à la Touline et moi, j'y suis pas encore passé. » Donc je comprends pas, on écrit pareil, on chante pareil, on a la même veine, on est fait de la même du même bois. Moi je suis jamais venu. Alors j'ai écouté ce qu'il faisait. Ah, il était déjà sur mes tablettes, mais là ça s'est confirmé. Superbe. Un peu plus rock'n'roll que ce qu'on fait d'habitude. Nos papy mamies de mon âge, là, de 70-80 balais, ils vont être un peu peut-être désorientés, mais je crois pas, parce que c'est tellement beau ce qu'il écrit. Et donc, voilà, alors c'est des rencontres, c'est aussi, voilà, on va découvrir des spectacles, on rencontre plein de jeunes qui sont pas du tout connus, qui passent pas dans les circuits de radio ou de télévision, mais qui ont une valeur fantastique. Et là, on est dans la lignée, alors, de Brassens, de Leprest, d'Anne Sylvestre, de gens comme ça, avec du texte français, pour qu'on comprenne, il n'y a pas que de la musique. Ouais. De temps en temps, on fait aussi de la musique, mais du texte, et avec des mots qui ont du sens, et non pas des boucles répétitives. Ouais. Voilà. Eh bien Richard, puisqu'on vient de l'évoquer, Jérémy Bosson, je propose qu'on marque une pause en musique à l'écoute de cet auteur-compositeur-interprète. Et puis on se retrouve tout de suite après. Notez bien qu'il viendra le jeudi 15 et vendredi 16 janvier à la Touline. On écoute ? Eh ben, on écoute. C'est moi, là, sirotant mon vin, tombé de zénith en nadir. Moi qui me prétends écrivain, eh bien ce soir, j'ai rien à dire. Je jette une pièce à la patronne, et puis j'attrape ma veste en cuir. Un client fait « Bonne nuit, Bosson ». Je réponds rien, j'ai rien à dire. Et je dérive sur les trottoirs, les réverbères ont d'affreux rires. C'est fou, parce que la nuit devient noire. Putain, quand on n'a rien à dire. Ce n'est pas à coup de silence que l'on se bâtit son empire. Tels sont les mots de ma conscience. Elle parle, et moi, j'ai rien à dire. Comme un violeur prend position, je sors mon stylo pour écrire. Mais on ne viole pas l'inspiration. Non, rien à faire, j'ai rien à dire. Les rues défilent et j'accélère. Je songe à me reconvertir. C'est navrant, mais de quoi j'ai l'air? Moi, l'auteur qui n'a rien à dire. Et j'entends les étoiles qui causent. La poésie doit me maudire. Tant de sujets, de nobles causes. Et moi, moi qui n'ai rien à dire. Je croise des feux, des McDonald's. Cette nuit va-t-elle enfin finir? Et je songe à Scott Fitzgerald. Bordel, pourquoi j'ai rien à dire? Je cours à travers la ville. Je cours pour m'étourdir, pour oublier l'état servile de celui qui n'a rien à dire. Où je cours à travers la ville. Je cours pour m'engloutir. Qu'elles sont cruelles et qu'elles sont viles, ces nuits où l'on n'a rien à dire. Ces nuits où l'on n'a rien à dire. Jérémy Bosson, qui sera en duo présent à la Touline jeudi 15 et vendredi 16 janvier 2026 à 21h. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour ce spectacle qui sera donc accueilli par Richard Violente, qui lui-même nous accueille aujourd'hui à la Touline, dans les locaux de cette salle emblématique troglodyte, qui est depuis de nombreuses années bien connue du public local. Alors Richard, la programmation 2025-2026, on la retrouvera bien entendu au fur et à mesure de l'année sur nos antennes d'Amboise, mais également de Montlouis. Je ne vais donc pas vous en demander la liste exhaustive dans ce mag. Mais par contre, est-ce que vous avez des coups de cœur ou des surprises que vous aimeriez mettre en avant ? Ben oui, mais c'est, toute la programmation est un coup de cœur en fait. Hein. Mais oui, oui, je vais quand même me lancer, prendre mes responsabilités, comme on dit. Alors, il y a un truc auquel on tient beaucoup, c'est ce qu'on appelle les scènes en campagne. Donc, on est plusieurs salles dans le département, notamment Nazel-Négron, qui n'est pas très loin, la salle Davidson, qui n'est pas très loin d'Amboise. Donc, on est plusieurs salles, cinq salles, ça fluctue, cinq, six, ça dépend des années, à programmer une fois par an quelque chose ensemble. Soit on va, les artistes vont dans chacune des salles pendant cinq ou six jours, soit on fait un seul événement sur une grosse scène, et là, tous nos publics se mélangent, en fait, hein, et ça va être le cas à Vénier, à la salle Cassiopée. Alors là, ce sera le jeudi 6 novembre, il n'y aura que le jeudi 6 novembre, à 20h30, donc à la salle Cassiopée de Vénier. Les scènes en campagne accueillent les Raisins de la Colère. Donc les Raisins de la Colère, c'est du théâtre, mais pas que. À l'origine, c'est un livre. Magnifique bouquin de Steinbeck qui raconte l'histoire, qui est très d'actualité finalement, d'une famille qui est soumise à la crise. On est en 1929 aux États-Unis, donc la crise de 29, c'est le désespoir total, la dépression et la déprime. Cette famille qui est dans le sud des États-Unis, eh ben, va faire comme beaucoup de familles, va remonter vers la Californie par la route 66, parce que là-bas on dit que c'est l'Eldorado, quoi, qu'il y a de l'argent, qu'il y a de l'or, on va monter, on va être riche, on va vivre. Mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que cette migration vers la Californie, et c'est toute cette histoire-là d'une famille qui petit à petit se rend compte que ce n'était pas forcément le bon choix, et que ça va être très difficile aussi de vivre en Californie, et que toutes les migrations sont douloureuses. Ils vont quitter leur pays, leur terre, leur famille, pour aller vers peut-être un Eldorado. Ça fait quand même sacrément penser à ce qui se passe en ce moment sur les migrations. Hein. On quitte des misères, et on se dit ça va être mieux, mais c'est... Oui. Voilà. Si on a la chance de ne pas mourir en route, on va arriver dans des endroits où il va falloir s'adapter, changer de vie. C'est ça l'histoire que raconte Steinbeck dans Les Raisins de la Colère. Et donc c'est ça qui va être joué avec cet esprit folk américain, la route 66, la remontée en Californie, avec une musique de Jean-Jacques Milteau, qui est magnifique, hein, l'harmoniciste bien connu, et des comédiens, musiciens, danseurs, fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ça va être sur une grande scène parce que c'est vraiment un grand plateau qu'il nous faut pour ce spectacle-là. Donc c'est un coup de cœur, indéniablement. On comprend pourquoi. L'autre coup de cœur que je peux vous proposer... Qui est un coup de cœur radioactive également. Eh oui, parce que c'est un artiste qui est connu sur la scène nationale maintenant, qui fait des grosses structures, il a fait l'Olympia d'ailleurs, et qui s'appelle HK. Alors on le connaît sous HK et les Saltimbanques. Ne pas confondre avec Alexis HK. Hein. Ah HK et les Saltimbanques, donc HK. Il est déjà venu à Toulouse, on a été séduit par son écriture, séduit par ses idées, séduit par son humanisme, séduit par tout ce qu'il dégage, par la tranquillité, la force et la tranquillité qu'il dégage. C'est un non-violent, HK. Mais un engagé très fort. Et un engagé très très fort. Ses chansons le montrent, son écriture le montre. Il est pour un monde de paix, sans armes, sans violence. Et donc, sans haine, voilà, c'est ça, le titre de la chanson. Et donc, il dégage tout ça, c'est devenu un ami, HK, maintenant. Il est venu plusieurs fois ici, on le rencontre à Avignon très souvent, on passe toujours du bon temps ensemble. Quand ils viennent à la Touline, ils viennent un peu en vacances, quoi. Ils vont faire du vélo, voilà, ils sont bien, ils sont tranquilles, et ils aiment la proximité. Donc là, Poète en cavale, c'est le spectacle d'HK. Ce ne sont pas des... Si, c'est l'écriture HK, mais il va reprendre d'autres poètes. En fait, à travers... des poètes, il va retracer un petit peu ces poètes engagés depuis la Commune de Paris jusqu'à aujourd'hui. Donc on va traverser des années de lutte comme ça et va nous l'exprimer avec ses chansons. Et il est accompagné d'une accordéoniste fabuleuse aussi. Et ben on a fait un sacré bout de voyage avec ça. On a découvert un autre HK. Et voilà. Et en plus... il va jouer deux soirs. Le premier soir est complet, donc il faut vous dépêcher. Le deuxième soir, ce sera le samedi 7 mars. Le vendredi, c'est pas la peine, c'est complet. Le samedi, il reste encore quelques places. Et puis le dimanche, il va rester pour un chocolat pain d'épices, c'est-à-dire des chansons pour les enfants et les familles. Et c'est pas loin d'être complet non plus. Donc vous l'avez compris, c'est maintenant qu'il faut réserver vos places. Comment fait Richard d'ailleurs pour réserver sa place pour la Touline ? Alors c'est d'une simplicité extraordinaire puisqu'on n'a pas besoin de rentrer dans des logiciels pas possibles de réservation. On passe un coup de téléphone au 02 47 50 43 84 ou on envoie un mail à latouline37@gmail.com en donnant les spectacles réservés, les jours de réservation et le nombre de personnes. Et ça suffit. On ne paye pas avant. On paye le jour même du spectacle. On fait confiance aux gens. Donc ils viennent un petit peu avant et ils retirent les places le jour même. Eh bien, c'est parfait que vous soyez des fidèles depuis 18 ans ou de nouveaux curieux. N'hésitez pas à venir découvrir les spectacles et cette belle programmation de La Touline à Azé-sur-Cher. Justement, pour donner envie aux auditeurs qui ne sont jamais venus, ce serait quoi votre mot d'invitation ? Eh bien, ce sera un mot de mise en garde. Ah. Si vous venez une fois, vous revenez. Merci beaucoup Richard pour cet échange, merci du temps que vous nous avez accordé. On retient que la Touline à Azé-sur-Cher, c'est un lieu de proximité chaleureux et incontournable depuis bien des années avec une programmation qui promet encore de belles découvertes musicales et culturelles. N'hésitez donc pas à consulter la programmation complète et à réserver vos places pour soutenir ce lieu unique du paysage culturel local. Merci beaucoup Richard. Merci à vous. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toutes leurs convoitises, leurs précieux,